Donc bonjour à tous et merci d'être là. Un grand merci. Ça fait du bien de vous retrouver. Merci aux artistes, ceux de la PIC, et puis les autres, ceux qui sont venus nous rencontrer. Je voudrais remercier deux personnes en particulier. Ils ne sont pas là en plus. Je voudrais remercier mes deux bras droits. Si, Marc Loubière, qui est là, qui est notre trésorier. Et puis Stéphanie Gontard, elle est où Stéphanie? Elle se cache, viens là Stéphanie. Elle est là, il n'y a plus personne. Qui est la vice-présidente de la PIC. Et en fait, voilà, sont mes deux bras droits. C'est-à-dire qu'ils sont très gentils, c'est-à-dire qu'ils me supportent avec mes idées à 100 à l'heure sur plein de choses à faire. Et puis les coups de panique, et ils m'aident sur plein de choses. Donc merci à tous les deux. C'est important pour moi de vous dire merci. Merci aux élus des deux communes qui sont là, en particulier Sophie Lemoulinier, notre ministre de la Culture à ACTA aussi. Et puis merci à Dominique Hérisset et à Annick Leroux, à Dominique Hérisset, directeur du port, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui fait le choix de garder cette maison de l'ancien gardien de phare en salle d'exposition. Et c'était un joli choix, et on leur remercie, d'autant plus qu'il n'y a pas d'équivalent sur la presqu'île, comme salle d'exposition. Et puis moi, je remercie aussi Annick Leroux, parce qu'elle est très bienveillante avec la PIC. Elle nous donne 2 semaines d'exposition, alors que tous les autres n'ont qu'une semaine, parce qu'on est les artistes de la presqu'île. Donc voilà. Et puis merci à la presse qui a bien voulu venir. Elle est là, Laurence ? Elle est repartie ? Ah, zut. Voilà. Donc merci à vous tous qui prenez le temps de venir, de regarder nos œuvres et de nous rencontrer. Oui, ça fait du bien, vraiment du bien de vous revoir. Après ces 2 années où la Covid a mis en sommeil la culture. Au printemps 2020 et au printemps 2021, nous avions programmé cette expo et les 2 confinements de printemps ont eu raison de nous qui avions envie d'aller vers vous. Nous sommes heureux de sortir progressivement de cette léthargie douce amère dans laquelle nous a plongé la crise sanitaire. Et le monde de la culture ne sort pas indemne de ces 2 années. Les salles d'expo, comme les salles de cinéma ou de théâtre, ne se remplissent pas encore pleinement. Les habitudes culturelles ont du mal à revenir. Alors c'est bon de vous voir. Soyez aussi nos messagers, les messagers d'un monde culturel qui ne demande qu'à battre pleinement. La crise sanitaire nous a fait mal, à nous, les artistes plasticiens. Nous avons été les grands absents du monde médiatique, qui connaît surtout les artistes du spectacle vivant. De cette crise, nous sommes sortis à la fois affaiblis et aussi fondamentalement plus forts. Isolés, mais avec le sentiment, plus que jamais intense, qu'il est vital d'être reliés. Alors que nous étions qualifiés de profession non essentielle, beaucoup ont pris conscience à quel point l'art était profondément et humainement essentiel. Combien de gens confinés dans leurs petits appartements se sont accrochés aux tentatives des différents artistes, plasticiens, musiciens, comédiens, de partager tant bien que mal leurs pratiques artistiques sur le net. Combien de témoignages touchants, ensuite, nous avons recueillis lors de la réouverture des ateliers. On nous disait « ça fait du bien de revoir des œuvres d'art ». À travers ces témoignages, nous avons pris conscience à quel point un tableau, une sculpture, une œuvre littéraire, une voix, la vibration d'un instrument était essentielle pour beaucoup, pour puiser la force de traverser, de continuer. Aujourd'hui, sous le spectacle terrible des bombes en Ukraine, nous avons vu la vidéo de cette jeune femme jouant du piano avant de quitter son appartement totalement détruit. Nous avons vu ce violoncelliste qui joue au milieu des ruines de Kharkiv. Et cela en nous a fait aussi écho au violoncelle de Gauthier Capuçon après les femmes devant Notre-Dame dévastée par les flammes. Partout, l'art continue de battre comme un cœur humain au milieu du désastre. Une parenthèse de paix, parce que le monde, plus le monde est en souffrance, plus l'être a besoin de beau et de partage autour du beau. Alors, qu'est-ce que la pique dans tout cela ? Qu'est-ce qu'une petite association d'artistes sur une petite presqu'île ? Apparemment, les mots « association » et « artiste » semblent en effet complètement antinomiques. Alors, quel défi qu'une association d'artistes ? Car quoi de plus solitaire, de plus indépendant qu'un artiste ? Comment vous dire aussi, pourtant, combien ces instants où dans la solitude et dans le silence, ce va-et-vient entre le regard, les mains, la matière, comment vous décrire ce souffle que chacun ressent si différemment et qui reste indescriptible, cette présence dans l'instant, à l'instant, cette immense concentration dans le geste. C'est ça, un artiste, et plein d'autres choses. Pour cela, pour certains d'entre nous, ces confinements, c'était une chance. Chance de ne pas être interrompu, parasité par qui que ce soit, et de pouvoir créer. Évidemment, le tissu associatif était en pause. Pourtant, je me souviens des appels téléphoniques de certains d'entre vous. Tu peins, toi ? Non. Moi, je suis bloquée, angoissée, découragée, et plus parfois encore. Plus d'expos, plus de perspectives, des incertitudes financières et autres. Et puis, peu à peu, ce sentiment, chez plusieurs d'entre nous, que ce lien entre nous nous manquait, et que vous aussi, vous nous manquiez, parce que votre regard donne sens à notre travail. Alors, vendredi dernier, nous étions heureux de nous retrouver à nouveau pour monter cette expo. Et aujourd'hui, nous étions heureux de préparer ce vernissage pour vous rencontrer. La PIC est née fin 2016. L'association est donc aujourd'hui dans sa 6e année. Comme dans toute association, il y a eu un mouvement. Des artistes partent, parfois trop indépendants pour rester dans le tissu associatif, et d'autres rentrent. Cette année, malheureusement, à Quiberon, deux ateliers d'artistes qui ont fait partie de la PIC ont fermé. Et c'est toujours une grande tristesse de voir des ateliers qui ferment. L'atelier de Sandra Soleil et l'atelier de Natacha, qui ont été parmi nous. Je souhaite, au nom de tous, leur témoigner notre amitié et leur souhaiter une bonne chance dans leur nouveau projet. D'un autre côté, trois artistes nouveaux ont intégré la PIC, et nous en sommes vraiment très heureux. Il se trouve qu'ils sont tous les trois Saint-Pierrois, Mathilde Pinault et ses délicates aquarelles, qui est à Carry-d'Anvel, David Afagard, qui nous livre ce regard sur les femmes dans des œuvres à la fois superbes et fortes, et Boca, dans un travail plus abstrait, qui ouvre son atelier au Rohu et qui est arrivé à la rentrée de septembre avec sa petite famille et ses enfants qui ont intégré une école de Saint-Pierre. Nous sommes heureux de vous présenter leur travail et de vous donner l'occasion de les rencontrer. Lorsque nous avons fondé la PIC, nous avions défini trois grands objectifs et nous nous y tenons. Le premier était de donner ou de redonner à la presqu'île une image de lieu d'art, en redonnant une visibilité aux ateliers d'artistes, apportant ainsi une attractivité supplémentaire à la presqu'île. C'est le sens de ce petit dépliant aussi, que vous voyez sur nos tables. Et cela passe aussi par une défense du métier d'artiste en tant que profession, c'est-à-dire l'artiste qui se déclare aux impôts et qui cotise à l'URSSAF. Le deuxième objectif était de participer activement à la vie artistique et culturelle sur la presqu'île, ce que nous faisons le plus possible en organisant des événements et sur Saint-Pierre et sur Quibon. Le troisième objectif était de créer du lien entre nous et du lien avec vous. J'en ai déjà parlé. La grande lessive que nous organisons au mois de mars à Saint-Pierre, mais qui est pour toute la presqu'île, est le symbole de ce lien, de cette volonté de lien. En effet, cette installation artistique, éphémère et participative, qui a pour but de créer du lien social, consiste à accrocher des dessins, des photos, des collages sur les fils à linge dans un espace collectif, dans un espace communal, afin de retrouver l'esprit qu'avaient nos anciens lorsqu'ils étendaient ensemble leur grande lessive de printemps et qu'ils communiquaient. L'an dernier, nous avons même réussi à entraîner une des villes jumelées de Quibron, le Grand Bornand, à faire cette grande lessive et à tisser des liens supplémentaires. Du chemin a été parcouru en 6 ans. Des gens commencent à bien connaître la pique et attendent nos événements. Peu à peu, et toujours plus, nous avons le sentiment d'être écoutés et soutenus par les deux municipalités de Saint-Pierre et de Quibron, et nous les remercions. Aujourd'hui, les deux municipalités sont conscientes qu'il est important qu'une véritable salle d'expo au cœur de la ville voit le jour. Une salle d'expo où les artistes puissent accueillir d'autres artistes. Et dans l'idéal, une salle d'expo où il y ait un petit logement pour accueillir un artiste qui vient de loin, en résidence, pour exposer, pour créer, pour transmettre. Cela reste encore un chantier à réaliser. C'est important, car nous sommes conscients que le tourisme en Pays Doré a évolué ces dernières années. Les vacanciers viennent aussi par mauvais temps et viennent aussi hors saison et cherchent des activités à l'intérieur et en particulier des activités culturelles. Du chemin reste à parcourir pour faciliter sur notre Pays Doré la circulation d'artistes plasticiens et donner pleinement au Pays Doré la puissance artistique qu'il pourrait avoir. Pour cela, nous avons besoin d'aide, d'outils numériques, d'aide technique, de lieux d'expo, d'échanges artistiques et surtout de personnes pour fédérer, autres que les artistes eux-mêmes, qui ne peuvent pas toujours créer et à la fois se transformer en super animateurs. C'est un vaste débat à ouvrir. Mais il y a des événements vivants déjà sur le Pays Doré et qualitatifs, regroupant des artistes plasticiens. En ce mois d'avril, je veux citer 2 événements qui me semblent importants sur le Pays Doré. La Biennale internationale de mosaïque contemporaine, qui a lieu à la chapelle du Saint-Esprit à Auray, et à laquelle, biennale à laquelle participe Stéphanie Gontard, qui est une artiste de la pique. Et puis, un événement plus informel, mais sympathique, à Locoal-Mâton, sur la grande commune de Locoal-Mâton, qui s'appelle le Printemps des artistes. Je vous invite à y aller. Ça réunit 122 artistes sur 35 lieux d'exposition insolites. Voilà comment contourner le manque de salles. Donc, on investit partout. Une chocolaterie, une chapelle, des chantiers ostréicoles, une ancienne école. À voir. Je voudrais finir ce discours sur une note printanière. Et pour vous dire combien, en tant que présidente d'une association d'artistes, je souhaite que ce printemps soit un renouveau. Un renouveau pour l'art et plus généralement pour la culture qui en a besoin. Nous avons besoin de vous tous pour la faire revivre pleinement, cette culture. Elle est aussi la belle image de notre pays, ce pays de la langue de Molière. Elle est ce qui redonne espoir et relie les peuples dans les temps sombres. Nous en avons besoin dans nos petites villes comme dans les grandes. Et ici, il y a des gens qui font un boulot formidable pour cela. Dans d'autres arts, ici, à Quibron, il y a Florence et Alexandre Cavalin, les libraires, qui organisent des beaux événements. Il y a Laurence Forain qui se démène au cinéma pour nous faire un cinéma qui pourrait faire baver d'envie les grandes villes. Alors, soyez les messagers, nos messagers, les messagers de l'art et de la culture. Et venez voir nos expos. Cet été, deux marchés d'art à Saint-Pierre et à Quiberon. Rentrez dans nos ateliers. Allez à la fête du livre à Quiberon dans 2 semaines et au Quai des Écrivains le 23 juillet à Saint-Pierre. Retournez au cinéma, au théâtre, au concert, achetez des livres, des places de ciné, de spectacles, des œuvres d'artistes. Voilà. Merci à vous tous. Et j'aimerais qu'on finisse, pas en m'applaudissant, mais en applaudissant le monde de la culture. Voilà. Donc, voilà.